Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille, Gaétan Gosselin. Salut Gaétan. Salut Jean-Pierre. Et moi-même, Jean-Pierre Gay, avec vous ce soir pour, après 2 semaines d'absence. Et oui, la semaine dernière, le Radioton, qui est un succès. Oui, qui est un succès grâce à, notre porte-parole, M. Alain Girard, qui est un fier collaborateur et qui a amené beaucoup de nouveaux donneurs à CKRL. Alors donc ce soir, Gaétan, on retourne un petit peu en arrière avec un artiste qu'on a rencontré lors du dernier Mois Multi. D'ailleurs, un artiste qu'on a connu, il s'agit de Christian Calon. Christian qu'on a vu quelques fois au Mois Multi, moi je pense avec Teresa Transistor dans les années, début des années 2000, l'art des bruits dont Éric Dorion était commissaire. On l'a vu au moins 4-5 fois au Mois Multi. Et voici qu'à la dernière édition, mais Christian est arrivé avec un projet qui s'appelait Continental Device. Oui, alors. Et qui était l'objet de notre entrevue. Oui, tout à fait. Un projet artistique filmique. Mm-hmm. Calon qui parcourt les bassins versants canadiens, donc ces rivières qui se jettent dans le fleuve, les fleuves dans la mer Atlantique, dans la mer Pacifique et puis dans la mer Arctique. Alors les trois territoires sont couverts par Calon. Alors voilà, on va donc vous laisser dans les mains de Christian pour les prochaines minutes, avec l'entrevue et les pièces sonores qu'il nous a réservées. Alors, Christian Calon, bonjour. Bonjour. Christian, ce projet que tu nous présentes ici au Mois Multi cette année, c'est un long travelling. D'où vient l'idée de ce long travelling-là sur le Canada? Je pense qu'il faut que je remonte un petit peu loin, disons, pour expliquer ça. Je vais essayer d'être bref. C'est que je me suis rendu compte que ici, on vit dans un lieu, au Québec, peut-être surtout même dans les villes, dans les grandes villes, et on a à peu près, sauf exception, de gens qui ont voyagé à travers le continent, puis particulièrement notre partie du continent, on va dire le Canada, on connaît pas du tout. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire. Et je me suis rendu compte que notre histoire, elle n'est pas limitée dans l'enclos qu'on appelle, dans le petit jardin qu'on appelle le Québec, mais qu'elle va jusqu'à l'autre bout, dans l'Arctique et tout. Et là, je me suis dit, bon, avant de pouvoir parler d'histoire, il faut déjà parler de géographie. Donc ça, c'est le point de départ. Donc il fallait faire cette espèce de long voyage, un peu initiatique pour retrouver ce pays. Oui, et alors donc la question, c'est ça, c'était initiatique, ouais, peut-être, je sais pas, dans mon cas l'initiation avait déjà été faite avant, enfin en partie en tout cas, au moins il y avait l'aiguille, on voit la piqûre, mais non, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut arriver à représenter ou à ramasser dans une durée, disons, concevable, quelque chose qui est presque incommensurable, qui est énorme comme dimension, et donc arriver à le transmettre de manière digeste, quoi. Et donc je me suis dit, bon, de quoi je dispose comme outil, comment dire, d'un savoir-faire avec le son et puis d'un savoir-faire avec l'image. Et la question, c'était, bon, est-ce qu'on peut arriver à transmettre quelque chose qui est d'ordre physique, géographique, physiographique, à travers ces deux choses-là, dans un langage qui est pas exactement le documentaire traditionnel, mais pas non plus une œuvre d'art qui peut devenir, qui n'est pas forcément, mais qui peut devenir, mettons, impénétrable ou qui se referme sur elle-même, donc qui n'est plus en rapport direct avec le réel. Et donc, ben, c'est un peu de là qu'est venue cette forme comme ça, où je me suis dit, bon, ben, déjà, il faut prendre toute la documentation, traverser le continent, voir le maximum de choses. Et c'est de là qu'est venue l'idée de l'image. Au départ, il n'y avait pas d'image. C'était de capter du document sonore pour arriver à le retransmettre. Mais très vite, je me suis rendu compte que pour arriver à faire ça, pour arriver à rendre compte de ce qu'était non seulement l'échelle du continent, mais en même temps le contenu de chacune des régions, en fouillant un peu la question, ça devient très vite, on pourrait dire scientifique, ou à mi-chemin, disons, entre l'art ou mettons, une connaissance générale de quelqu'un de la rue et la science. Donc, il fallait déjà faire un pas vers la science, et particulièrement vers les sciences de la Terre. Et ce qui m'a vraiment guidé, c'est de chercher une méthode pour arriver à décrire qu'est-ce qu'un paysage, de quoi sont composées les différentes zones qu'on appelle des écozones, en fait, qui constituent l'ensemble d'un paysage. On parle d'un récit, on parle d'une narration, on parle d'un aspect scientifique, mais cependant, au plan de la narration, au plan de tout ça, il n'y a pas d'explications qui sont données. En fait, la seule bande sonore qu'on a, c'est de la musique. Non. OK, je croyais qu'il y avait juste de la musique, moi. Non. En fait, pour être vraiment précis, non, mais c'est bon parce que c'est une ambiguïté qui est vraiment intéressante. Parce qu'en fait, il n'y a pas un gramme de musique là-dedans. le son n'est vraiment pas de la musique, mais par contre, ce qui se passe, c'est que quand on l'écoute, quand on baigne là-dedans, et même sans l'image, quand on écoute juste le son, ben on l'intègre comme une musique. Parce que notre éducation, notre cerveau sont faits pour rassembler des éléments plutôt que de les séparer, donc créer une sorte de synthèse, puis une synthèse qui va se faire selon notre niveau d'éducation musicale, même si le niveau est presque zéro, peu importe, mais on intègre tout ça comme des choses qui vont ensemble, qui fonctionnent ensemble. Mais en fait, le son là-dedans, il y a deux choses dans la question, c'est l'idée du récit et l'idée de la musique. Le récit, c'est pas un récit, enfin pas au sens exode, un récit, c'est plutôt un parcours, un parcours à travers le continent que j'ai structuré, enfin que même, je devrais même pas dire que j'ai structuré, parce que c'est pas moi qui l'ai structuré, c'est que le continent est structuré de telle manière qu'il est fait en trois grandes parties. Donc on pourrait dire, c'est une symphonie, si on veut ramener ça à la musique. C'est ça, la partition existe déjà, les couches existent déjà, les instruments sont déjà là. L'idée, c'est comment faire pour arriver à le transmettre, ça, ou le transposer, disons, ou le transcrire dans un langage visuel, mettons, ou physique, à un langage qui est fait d'images et de sons. Donc le parcours, c'est trois bassins versants. Okay, donc le bassin du Pacifique, si on va dans de l'ouest à l'est, bassin du Pacifique, le bassin de l'Arctique et le bassin de l'Atlantique. Et c'est d'où vient le titre Continental Divide. Je le dis parce que finalement, nous on vit dans un bassin. En anglais, on appelle ça un watershed, dans un bassin versant. Et on n'en sort à peu près jamais. Hein, sauf si on va vraiment loin dans le nord ou si on traverse, mettons, dans l'ouest de l'Ontario, par exemple. Et un bassin versant, c'est l'ensemble des eaux qui coulent vers un océan. Et la ligne de séparation, qu'en français on appelle la ligne de partage des eaux, c'est ce que les Anglais appellent un divide, un continental divide. Donc il y a trois grandes parties dans ce continent, enfin dans la partie nord du continent, et chaque partie peut être divisée selon ses caractéristiques physiographiques, de végétation, etc., en écozones. Donc ça, c'est les parties du projet ou du continent, en fait, et qui donnent la forme, en fait, au projet. Donc c'est un choix qui a été de ne pas mettre de récit ou d'explication sur ces images-là. Par contre, il y a un choix qui a été fait. Habituellement, on fait le voyage d'est en ouest. Sauf que cette fois-ci, et pour des fins, j'imagine, cinématographiques, on doit le faire d'ouest en est. Là, on le fait, en fait, on commence au centre. On commence au centre, dans le bassin de l'Arctique. Ensuite, on vient dans le bassin atlantique, donc dans l'est, et on finit dans l'ouest. Oui, c'est plutôt dans l'équilibre des visuels et sonores que j'ai fait ce choix-là, de ne pas faire le parcours linéaire. Thank you. Dis-moi, quelle a été l'inspiration pour faire ce lien entre les paysages de chacun des bassins versants et la trame sonore? On a une trame sonore qui est à la fois, qui semble en tout cas combiner ce qu'on pourrait appeler de la prise directe de son et puis un travail en aval, je vais dire ça comme ça, sur la captation sonore. Et la vision là, qui t'animait à ce moment-là, comment tu la nommes, comment tu la décris? Ça revient au point de départ, en fait. C'est très simple. C'est-à-dire que là-dedans, mon rôle, ce n'est pas vraiment un rôle ni de compositeur. C'est plutôt comme peut-être plus proche de la mise en scène globale ou de l'organisateur des éléments qui sont déjà existants. Puis le passage vers le son... ça s'est fait de façon assez très indirecte, mais bon, je vais prendre un raccourci pour le dire. C'est que je me suis rendu compte que au départ, je pensais analyser le paysage de façon très très technique, on va dire, pour que la machine transcrive des données qui puissent être elles générer le son. Et je me suis rendu compte que perceptivement, ça ne fonctionne pas. La machine transcrit, mais pour nous, ça ne veut rien dire. Et là, c'est là où je me suis penché sur les sciences de la Terre, un peu de plus près, pour voir comment est-ce qu'on peut analyser un paysage. Et là, il y a 5 grandes catégories. Il y a le relief, l'hydrographie, on va dire les zones non exploitées, on va dire la forêt, pour faire simple, les zones exploitées, donc les cultures, et l'urbanisation. Ça, c'est les 5 grandes catégories. Et donc, pour générer le son... je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est donc essayer de trouver des équivalences ou une transcription de l'analyse de chacune de ces catégories-là. Mais dans les sciences de la Terre, il y a cette branche qui s'appelle l'écologie du paysage, qui prend en compte l'observateur et qui ne se base pas sur des mesures exactes, mais sur la perception. Et donc sa finalité, en fait, c'est pas une finalité d'exploitation du territoire ou de cartographie ou choses comme ça, mais c'est de trouver l'équilibre entre les choses et de voir éventuellement sa finalité, ce sera de trouver à organiser un paysage dans la mesure où l'homme le transforme pour le rendre aussi vivable, disons, aux espèces animales, à la végétation, donc trouver un équilibre dans tout ça. Et l'écologie du paysage, la façon dont elle analyse le paysage, c'est avec des techniques, on va dire, typomorphologiques, qui ressemblent à celles qu'on utilise dans la musique concrète pour analyser le son. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, prenons le relief. Le minimum de paramètres qu'il faut pour analyser un relief, on va dire, c'est à peu près 3, quoi. On va dire la hauteur relative à l'observateur, la pente des courbes, et puis la distance de l'horizon. À partir de là, déjà, on commence à avoir une bonne idée des différents reliefs qui peuvent exister. Et donc, je me suis dit, ces 3 paramètres-là, eux, on peut les transcrire en son. Mm-hmm. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, le son, au départ, j'ai fait énormément d'enregistrements dans les lieux. Mais le problème, c'est qu'il y a 5 grandes catégories. Chacune aurait 3 couches. Ça fait déjà 15 couches sonores. Si on prend du son acoustique enregistré, ça ne peut plus fonctionner. Une symphonie. Oui, c'est ça, ou une cacophonie, ou une pizza all dressed, etc. Et là, je me suis dit, non, ça ne marche pas, donc il faut partir de choses très, très simples, donc la synthèse sonore. Ça, c'est... Et on s'est rabattu là-dessus, et je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est comme on travaille avec 3 paramètres par catégorie. J'ai eu l'idée de demander à 2 personnes avec qui j'ai déjà travaillé pas mal, donc Chantal Dumas, Mario Gauthier, et je savais que, avec ces 2-là, que je connais depuis longtemps, on arriverait à faire quelque chose qui ne soit pas... C'est-à-dire qu'on arriverait à éviter de faire de la musique à chaque trio qu'on ferait, pour chacune des catégories, mais que le résultat... et que le résultat serait fidèle à la partition et aux exemples d'images, qui nous servent de balises, quoi, pour décrire le paysage. Et parce que, en fait, l'idée, c'est pas de, comme je disais tout à l'heure, c'est pas de créer une musique, mais c'est de faire une transcription aussi fidèle que possible de ce qui est donné. Et c'était ça notre grand défi, en fait. Thank you.

ça aurait pu être très bien, mais bon, ça demandait aussi une infrastructure. Ça devient plus complexe, quoi. C'est plus complexe, ça coûte plus cher parce que l'hiver, on peut difficilement camper partout et tout. Donc, ça devenait vraiment autre chose. Et non, il n'y a pas eu de repérage. En fait, je me suis rendu compte très vite qu'il fallait simplement dire « je passe là en ce moment ». Non, en amont, il y a eu une recherche sur, des parcours possibles. Qu'est-ce qui me permettait d'avoir, donc déjà en étudiant, comment sont réparties les écozones sur le continent, voir où il fallait que je passe pour pouvoir être représentatif, et ensuite me dire, ben voilà, je tente un parcours, et c'est un parcours unique, celui d'un observateur. Un autre observateur ferait... Et même le même parcours ne verrait pas les mêmes choses parce que les conditions météo sont plus les mêmes, la saison est plus la même, donc les images qui en ressortiraient seraient plus les mêmes, même passées au même endroit. Donc je me suis dit, je vais pas non plus m'arrêter, par exemple, en me disant « Ah, cet endroit-là est merveilleux, je vais essayer d'attendre d'avoir telle température, tel temps. » Je me suis dit « Non, partout où je passe, je le prends tel que c'est. » Et à la fin, on verra. Si les prises que j'ai faites sont bonnes, parce que je les ai réussies, et tant mieux. Si elles sont ratées, il faut vivre avec, et c'est tout. Alors, donc, ça a été ça, quoi. Ça a été vraiment m'en remettre un peu à la chance, un peu au flair. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ce qui était très intéressant, ça a été... autant que possible de suivre les rivières, ce qui n'est pas toujours possible, mais d'être aussi près que possible des rivières, qui en fait étaient les anciennes voies de communication, les premières voies de communication. Et donc j'ai tenté, évidemment, idéalement, il y a des choses que j'aurais aimé faire uniquement en canot, par rivière. Mais encore là, bon, ça prend une autre infrastructure, seul, c'est assez difficile avec tout l'équipement et tout. Donc, je l'ai fait aussi souvent que possible, mais c'était pas toujours faisable, quoi. Donc, c'était un peu ça. M'en remettre un peu au hasard, en fait, et dire, bon, si à cet endroit-là, il y a la concentration qui joue à un moment donné, c'est assez étonnant. Surtout quand on voyage seul, j'étais 7 mois sur la route, seul comme ça, on se trouve à être en accord avec les lieux où on est, enfin avec le lieu général, pas un lieu spécifique, mais dans cet esprit qui est du déplacement, mais qui n'est pas un déplacement superficiel, parce que très vite, on passe de l'admiration des paysages à, je sais pas comment je pourrais dire ça, une sorte d'intégration de la compréhension de comment est structuré le paysage. Et donc, il y a une sorte d'instinct qui fait... On se dit, si je vais par là, je sais que la rivière est dans ce coin-là. Je sais que du fait qu'il y a la rivière, le temps, la météo ne sera pas la même que si je suis là au milieu de la prairie, par exemple. Et en effet, ça c'était vrai, c'est remarquable. Il y a des images dans le film où on voit, par exemple, certaines bandes de nuages et tout. Et là, c'est clair, là, quand je voyais ça sur la route, je me disais, bon, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est là-bas que se trouve la rivière. Et des choses comme ça. Donc, il y a une sorte de compréhension qui se développe. Bon, aussi à la lecture, à l'étude aussi, des cartes et tout ça. C'est en quelque sorte une sorte d'initiation au paysage. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. De ce côté-là, je peux dire que oui, on apprend à lire. Et c'est d'où, justement, la question qui vient en cours de route, c'est est-ce qu'un paysage, on peut le décoder comme une écriture? Ou comme un texte. Mmh. Et c'est fascinant parce que sa structure est totalement, pas logique, mais organique. Entre, par exemple, dans l'espace, quand c'est projeté ici dans la salle, j'ai tenu les choses d'une façon le plus simple possible, pour ne pas embrouiller l'écoute qui est déjà complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas familiers à la majorité des gens qui peuvent venir voir un projet comme ça. Donc, quand on regarde, par exemple, l'écran, en avant, les sons qu'on entend, c'est ceux du relief, qui représentent le relief ou qui transcrivent le relief. En arrière, c'est l'hydrographie, l'eau, les rivières, les lacs, etc. À gauche, les forêts. À droite, les cultures. Et au-dessus, des événements plus dispersés, l'urbanisation. Et qui sont très rares, en fait. Et on m'a fait la remarque, souvent, on me dit, mais il n'y a presque rien. Ben, je dis, mais oui, mais si on compare la surface occupée, enfin du territoire occupé par les cultures et la forêt, et ce qui n'est pas occupé, en fait, enfin pas par l'homme, eh ben, il y a presque rien. L'urbanisation, c'est une bande au sud et c'est tout. Donc c'est structuré comme ça. Et je le laisse comme ça, justement, pour que la chose soit aussi évidente que possible, aussi près du documentaire, disons. Ben merci, Christian, pour ce beau voyage que tu nous permets, à nous, les Québécois, de vivre à ta manière ce grand pays. Nous, les gens de l'Est. Ben, merci à vous.

Alors, sur cette bande sonore de Christian Calon, on va donc se laisser. C'était Gaétan Gosselin et Jean-Pierre Guy avec vous ce soir, une entrevue et surtout des pièces sonores de Christian Calon tirées de son projet Continental Device qu'il a présenté au dernier Mois Multi. On va se laisser là-dessus et on vous dit à la semaine prochaine, Gaétan, avec Music Work. Oui, la semaine prochaine, une compilation tirée du magazine Music Work, une publication trimestrielle qui nous entretient d'art sonore, de musique et d'environnement auditif, je vais dire ça comme ça. Alors, on se laisse avec toujours la bande sonore de Christian Calon et on vous dit à la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.